Comme on le voit, ces deux femmes n'en faisaient qu'une. Toutes les actions de Valérie, même les plus étourdies, ses plaisirs, ses bouderies, se décidaient après de mûres délibérations entre elles. Lisbeth, étrangement émue de cette vie de courtisane, conseillait Valérie en tout, et poursuivait le cours de ses vengeances avec une impitoyable logique. Elle adorait d'ailleurs Valérie. Elle en avait fait sa fille, son amie, son amour. Elle trouvait en elle l'obéissance des créoles, la mollesse de la voluptueuse. Elle babillait avec elle tous les matins, avec bien plus de plaisir qu'avec Venceslas. Elle pouvait rire de leur commune malice, de la sottise des hommes, et recompter ensemble les intérêts grossissants de leurs trésors respectifs. Lisbeth avait d'ailleurs rencontré, dans son entreprise et dans son amitié nouvelle, une pâture à son activité bien autrement abondante que dans son amour insensé pour Venceslas. Les jouissances de la haine satisfaite sont les plus ardentes, les plus fortes au cœur. L'amour est en quelque sorte l'or, et la haine est le fer de cette mine à sentiments qui gît en nous. Enfin, Valérie offrait dans toute sa gloire à Lisbeth cette beauté qu'elle adorait, comme on adore tout ce qu'on ne possède pas, beauté bien plus maniable que celle de Venceslas, qui pour elle avait toujours été froid et insensible.